quelques techniques détaillées pour vous aider à vous connecter à votre guide spirituel. Rappelez-vous que la connexion spirituelle est personnelle, alors soyez ouvert et patient tout au long de ce processus. 1. Méditation guidée pour rencontrer votre guide. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Respirez profondément plusieurs fois pour vous détendre. Visualisez-vous dans un espace paisible, comme un jardin ou une plage. Appelez votre guide spirituel mentalement ou à voix basse. Demandez-lui de se présenter à vous d'une manière qui vous soit confortable. Observez les impressions, les images ou les sensations qui pourraient émerger. 2. Écriture automatique. Préparez-vous avec du papier et un stylo. Asseyez-vous confortablement et détendez-vous en prenant quelques respirations profondes. Demandez à votre guide de se présenter et de vous offrir des conseils ou des messages. Commencez à écrire sans réfléchir, laissant les mots venir naturellement. Ne vous inquiétez pas de la grammaire ou de la structure des phrases, laissez simplement les mots couler. 3. Rituel de connexion. Créez un autel spirituel avec des objets significatifs pour vous. Allumez une bougie et placez-la devant l'autel. Prenez quelques instants pour centrer votre esprit et votre intention. Demandez à votre guide spirituel de se connecter avec vous pendant le rituel. Méditez, priez ou simplement parlez à votre guide à voix haute ou mentalement. Restez attentif aux signes ou aux sensations qui pourraient se manifester pendant le rituel. 4. Marche méditative. Choisissez un endroit paisible pour marcher, comme un parc ou une nature environnante. Marchez lentement et délibérément en étant conscient de chaque pas. Visualisez votre guide marchant à vos côtés et vous guidant. Parlez mentalement à votre guide et posez des questions si vous le souhaitez. Observez tout signe, sensation ou intuition qui pourrait se manifester pendant la marche. 5. Communication à travers les rêves. Avant de vous coucher, formulez l'intention de rencontrer votre guide dans vos rêves. Gardez un cahier et un stylo près de votre lit pour noter vos rêves dès que vous vous réveillez. Répétez mentalement ou à voix basse que vous souhaitez recevoir des conseils ou des messages de votre guide. À votre réveil, notez tout rêve ou souvenir qui pourrait être lié à votre guide spirituel. 6. Dialogue intérieur. Trouvez un moment tranquille pour vous asseoir en silence. Posez une question mentale à votre guide spirituel. Écoutez attentivement les réponses ou les impressions qui émergent dans votre esprit. Vous pourriez ressentir un sentiment d'apaisement, de clarté ou d'intuition. 7. Création d'un journal spirituel. Tenez un journal dans lequel vous enregistrez vos expériences, vos pensées et vos sentiments spirituels. Utilisez-le comme moyen de dialoguer avec votre guide spirituel en posant des questions et en notant les réponses ou les signes que vous percevez. 8. Écoute des signes et des synchronicités. Soyez attentif aux signes ou aux synchronicités qui se produisent dans votre vie quotidienne. Demandez à votre guide de vous montrer des signes spécifiques pour confirmer leur présence. Les signes pourraient être des chiffres récurrents, des symboles ou des rencontres inhabituelles. Lorsque vous explorez ces techniques, gardez à l'esprit que la connexion à votre guide spirituel peut prendre du temps. Soyez patient et ouvert à toutes les formes de communication qui pourraient se manifester. La clé est de cultiver une relation de confiance, d'amour et d'ouverture envers votre guide spirituel. FAQ. 1. Qu'est-ce qu'un guide spirituel et pourquoi est-il important de se connecter à lui ? Un guide spirituel est une entité bienveillante et énergétique qui offre une guidance et un soutien dans votre parcours spirituel. Se connecter à votre guide spirituel peut vous apporter une compréhension plus profonde de votre chemin de vie, des réponses à vos questions et un sentiment de soutien dans les moments difficiles. 2. Comment puis-je commencer à me connecter à mon guide spirituel ? Vous pouvez commencer par choisir une méthode qui vous attire, comme la méditation, l'écriture automatique ou la marche méditative. Créez un espace calme et ouvert pour la pratique, puis formulez l'intention de rencontrer votre guide spirituel. 3. Comment puis-je savoir si je communique vraiment avec mon guide spirituel et non pas avec mon imagination ? La pratique régulière de techniques de connexion spirituelle peut aider à différencier les communications authentiques des simples pensées. Faites confiance à vos impressions et à vos sensations. Si une communication vous apporte une sagesse profonde, des conseils pertinents ou des réponses qui vous touchent personnellement, il est probable que ce soit de votre guide spirituel. 4. Que faire si je ne ressens aucune connexion avec mon guide spirituel ? La connexion avec votre guide spirituel peut prendre du temps. Soyez patient et persévérez dans vos pratiques. Vous pourriez essayer différentes méthodes pour trouver celle qui résonne le mieux avec vous. Soyez ouvert et réceptif aux signes subtils ou aux impressions qui pourraient émerger. 5. Comment puis-je éviter de me laisser influencer par de faux guides spirituels? Le discernement est essentiel. Demandez à votre guide spirituel de vous protéger et de ne permettre que des communications bienveillantes et authentiques. Si vous ressentez une énergie négative, une confusion ou un malaise, mettez fin à la communication. Faites confiance à votre intuition et vérifiez toujours les informations reçues. 6. Puis-je me connecter à mon guide spirituel à tout moment ou y a-t-il des moments plus propices? Vous pouvez vous connecter à votre guide spirituel à tout moment qui vous convient. Cependant, les moments de calme et de tranquillité, comme le matin ou avant de vous coucher, peuvent être plus propices à la connexion spirituelle. Les moments où vous êtes détendu et ouvert sont idéaux. 7. Dois-je recevoir des messages verbaux ou visuels de mon guide spirituel pour savoir que je suis connecté? Les communications des guides spirituels peuvent prendre différentes formes. Vous pourriez recevoir des messages verbaux, des images, des sensations, des émotions ou simplement une intuition forte. Soyez ouvert à diverses formes de communication et observez ce qui résonne le plus avec vous. Que faire si je ne reçois pas de réponse immédiate de mon guide spirituel? La connexion peut ne pas être instantanée. Soyez patient et continuez à pratiquer. Parfois, les réponses viennent plus tard sous forme de signes, de synchronicité ou d'intuition. Faites confiance au timing divin et à la manière dont votre guide choisit de communiquer avec vous. 9. Comment puis-je intégrer la guidance de mon guide spirituel dans ma vie quotidienne? Prenez le temps d'écouter et de méditer sur les messages ou les conseils que vous recevez. Appliquez ces enseignements dans vos choix, vos décisions et vos actions. Cultivez une relation de confiance avec votre guide et demandez continuellement leur soutien et leur guidance. 10. Est-il possible d'avoir plusieurs guides spirituels? Oui, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs guides spirituels qui offrent différentes formes de soutien et de sagesse. Certains guides peuvent être présents dans des moments spécifiques de votre vie, tandis que d'autres peuvent être constants. Page 52. Nous allons voir une méthode détaillée pour se connecter à notre guide spirituel. Page 52.